On va dire qu'on s'appelle bonjour et bon réveil, il est 7h, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui on est le 2 novembre, en espérant que vous avez passé un bon week-end d'Halloween, que tout s'est bien passé. On est là jusqu'à 9h avec vous, avec de la musique pour bien démarrer, le son du Brasil Latino, c'est Omela. FM, c'est le son de la radio, on est heureux de vous retrouver, tranquille dans la radio jusqu'à 9h avec Elvis Crespo qui arrive, elle sont latina. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, besa un poquito. Suave, besa, besa, besa. Conseil 7h08, le roi du latino avec Elvis Crespo, Suavemente. Il y a déjà plus de 12 ans ce titre, ça passe très vite. À côté ciel, aujourd'hui la météo est plutôt couverte, le ciel est nuageux avec des risques de pluie malheureusement. Les températures 6 à 12 degrés, ouais, ça va pas être terrible aujourd'hui. Normalement, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait s'améliorer pour le week-end. Et ouais, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Du son qui arrive avec Fat Evans sur la radio couleur. Now that we have come to be,

majeur. En katana, baby, tu delta. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más. Y que me la paso de fiesta. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, ya, ya. Si pa' ta gata, ya, ya, no. Y'a pas moyen, ya, ya, ouais. En katana, baby, tu delta. Comme moi, toi. Oh, Dja je sais pas, avec un terrain, Dja. J'adore ça. J'aime bien cette version-là. La fille, j'aime pas trop. Il y en a qu'un mourant, mais bon. Ouais, j'aime bien cette version un peu reggaeton. Oh, Dja. Tranquille dans la radio, 7h15. Si vous voulez arriver, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. Justement, comment s'est passé votre week-end? On veut tout savoir, nous. En direct. 96 de FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ou vous réveillez. Ouais, pas au bahut parce que c'est encore les vacances scolaires, hein. Bon, profitez justement si vous avez les enfants à la maison. N'hésitez pas à les chouchouter, à les emmener se balader un petit peu. Il y a plein de trucs à faire en Orléans, le parc Pasteur par exemple. Bonne idée! Alors Halloween, c'est bien passé. Sophie qui me dit, ouais, Halloween sous la flotte, Francky. Bah ouais, hein, sous la flotte malheureusement. Et ça devrait durer un petit peu la flotte cette semaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que ce week-end, normalement, il devrait être à peu près, je dis bien à peu près ensoleillé, hein. En tout cas, on sera partenaire de Tony Carrera, c'est le 21, ne ratez pas cette date, 21 janvier, au Zénith d'Orléans, Tony Carrera, il arrive tout de suite sur la radio couleur. Agora, desde aquela hora que tudo acabou, como é que tu vais? Já tens outra vida, ou a dor ainda nem sequer passou? Como é que tu vais? Estás feliz assim, ou choras por mim e não queres dizer? Como é que tu vais? 21 janvier avec Radio Arc-en-Ciel. Heureux d'être là, hein, c'est Francky dans la radio. Ça me fait vraiment plaisir. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Et ouais, on vous réveille. Et puis la COP26, il y a eu une grande réunion mondiale, hein, où plus de 100 pays, dont la France, vont s'engager à stopper la déforestation et restaurer des forêts d'ici 2030. Ça va être finalisé, bah, justement, aujourd'hui, ce mardi. Voilà une bonne nouvelle. On va arrêter de couper les arbres pour fabriquer plein de choses et puis laisser ces belles forêts. Et ouais, de très belles forêts avec un slow qui arrive de fin 80 et que j'adore, Marc Lavoine, même si c'est sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée. Même si j'ai envie de toi, même si tu sens mon cœur qui bat, si je veux du bout des doigts coucher avec toi, même je suis sincère, même si tu peux lire dans mes yeux clairs que je fais tout pour te plaire, ne te laisse pas faire. Même si je suis sourd, même si je crie des poèmes comme un enfant blême, ne me vois pas, sauve-toi. Ça me fait plaisir, j'ai un petit message de Annabelle là qui me dit j'ai 49 ans, Francky, je me rappelle très bien de ce slow. Marc Lavoine, super slow, même si c'était dans les années 89-90. Le meilleur souvenir de la radio, ça fait plaisir de retrouver. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Bah oui, on vous réveille avec du son latin, hein, histoire de bien vous sortir du lit, parce que je sais que vous êtes encore fatigué, mais on est là pour vous donner le smile et puis la bonne humeur en direct à la radio. Welcome la famille, j'espère que vous avez passé un bon week-end d'Halloween, que vous êtes encore peut-être maquillé, vous savez, on a du mal à retirer le maquillage, mais bon, faut frotter, bah oui. Heureux d'être là jusqu'à 9h avec Joël qui nous fait un petit coucou. Salut mon Jojo. Oh, ça me fait plaisir d'avoir des messages comme ça. T'as la nostalgie? Ouais, avec tes slows. Bah oui, mon ami. Tu danses, Jojo? Allez. Non, j'ai mal aux pieds. Allez, du son latine. Não vai entrar no ritmo e não digas que não. tan. J'adore ça. Ça vient du Portugal, hein. Ça c'est Another Locura. Redette là, c'est Francky dans la radio. Ça me fait vraiment plaisir à passer un bon week-end. Et un long week-end pour certains, c'est ce que dit Pascal. Long week-end pluvieux. Et ouais, il me dit. Attends, il m'a dit un message de fou, je vais vous le dire. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ou vous réveillez. Pascal, il me dit, je suis sorti en boîte ce week-end et j'arrivais pas à pécho parce que c'est vrai que pour Halloween, tout le monde était déguisé, maquillé, donc pas facile de pécho le soir même d'Halloween. Hein. Bon, même mon poteau, il faudra revenir un autre week-end en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à retirer le rouge, vous savez, le noir de la tête qu'on s'est maquillé tout le week-end. Et bien voilà, avec exhalescence, et bien voilà, un petit coup de maquillage et hop, et ça part au premier lavage. Et c'est un slogan publicitaire que je fais là. Ouais, c'est de la pub même. Heureux d'être là, 7h28 du matin, avec du son, Sound of Legend qui reprennent la belle, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus, on va trouver. I Believe, rappelez de ça, c'est cher. Ouais. Dans les années 90, le remix 2021 sur la radio couleur. C'est Francky dans la radio, on est heureux de vous retrouver jusqu'à 9h et ça me fait vraiment plaisir. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ouais, on vous réveille, puis avec des sons qui arrivent, ça forcément, ça va vous rappeler. Ouais, les années 2000, à l'honneur ce matin. Tiens, il y aura plein de sons qui vont arriver sur l'antenne jusqu'à 9h. Lady, rappelez-vous de cette charmante jeune fille qui chantait Easy Love. D'ailleurs, elle a été numéro 1 des discothèques et des radios à l'époque. Lady qui s'est reconvertie dans la mode. Eh ouais, comme quoi, il y a une suite après. Comme beaucoup d'ailleurs qui se reconvertissent après avoir galéré dans la vie, eh bien ils trouvent une solution, un plan B. C'est vrai que la musique c'est bien, mais des fois, bah, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein, faut trouver autre chose. Comme la radio, il faut se reconvertir des fois. 7h31 minutes. Il y a un truc qui est pas à l'heure à la radio. Ah, faut que j'appelle la radio. Il y a un truc qui est pas à l'heure. 7h31 minutes en direct. 7h31 minutes exactement. C'est le 96 de FM. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. C'était bon ça, fin 99, début 2000, Easy Love Lady, le tube de cette année justement, était numéro 1 dans les clubs sur les radios. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, bon réveil, et ouais. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, au vrai réveil. Il n'y a pas de bahut ce matin parce que c'est encore les vacances scolaires, courage à vous, hein, si vous allez bosser, pas facile hein, le lundi matin, le mardi matin, ah ouais je me crois mardi moi, lundi, ouais bah on est décalé avec ce long week-end du 1er novembre, et ouais Halloween, et ouais, c'est ce que me dit Stéphanie, je me suis déguisé en sorcière tout le week-end. 3 jours non-stop, j'ai fait la fête. Bah ouais, comme Isabelle, peut-être que vous aussi, vous avez passé un excellent week-end sous la pluie, c'est ce que dit Pascal. Ouais, il a plu tout le week-end, c'était un peu la galère. Côté météo aujourd'hui, bah justement, les nuages sont de retour, la pluie aussi malheureusement, et le soleil devrait faire son apparition. Si je me trompe pas, il revient. Vendredi, le soleil, ouais, ça va être une bonne nouvelle ça pour vous. Sur la route toute la sainte journée, c'est De Palmas qui arrive à 7h36. Mardi matin, pas facile hein, le mardi matin, après 3 jours, voici Monsieur De Palmas et sur la route. Happy

aussi je peux en faire du grand grand malade, hein. Ouais, c'est funky dans la radio le matin, j'espère vous réveiller, que vous êtes de bonne humeur et que vous allez au boulot. Et ouais, vous faites la gueule, mais c'est pas grave, on est mardi matin et il est pas facile d'aller au travail, surtout du côté de Main-sur-Loire. Bah ouais, on le sait, c'est comme ça. Et il va falloir taffer un petit peu pour gagner votre vie tous les matins en écoutant funky à la radio. Bah oui, finally, on a l'heure ce titre, je peux vous dire. Un petit remix comme ça, sympatoche, le matin pour vous sortir du lit. Finally 2015, cette version elle est terrible. On jouait ça à l'époque dans les années 90 dans les discothèques et là il était remixé par un DJ parisien qui s'appelle Danton et on adore. Voici Finally 2014. Le matin dans la bagnole, hein. Vous au boulot, moi derrière la vitre là de la radio, ouais, j'ai une grande vitre blindée devant moi. Voilà, ça c'est pour pas qu'on tire dessus, bah non c'est jamais, hein, ça peut arriver. C'est Francky, 7h46 minutes, heureux d'être là et on est en direct, eh ouais. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut. On vous réveille, et puis je vous réveille de bonne humeur aujourd'hui. Bah, malheureusement, la pluie est de retour, et puis le soleil ne sera là que ce week-end. Salut à André, du côté de Saint-Jean-de-Bray, qui nous dit merci Francky de ta bonne humeur le matin, ça nous fait plaisir. Bah, heureusement, t'imagines, si je vous réveillais en faisant la gueule, on ferait la gueule tous d'ailleurs, hein. Un titre qu'on adore, Sarah H. Allez voir son YouTube, il est énorme, c'est On pourrait, c'est son nouveau hit sur la radio couleur. Le temps qui me dépasse, toutes ces années défilées. Aujourd'hui, je ne me sens plus trop à ma place. Je sais que ça doit changer. Même si j'y crois, je ne sais pas si dans le pire, tu me suivras. On pourrait. Tout effacer, on pourrait choisir de continuer. quand je veux y croire. Et quand la vie ne veut pas nous ouvrir sa porte, il n'y a pas de hasard. Même si j'y crois, je ne sais pas si dans le pire tu me suivras. On pourrait essayer. J'adore cette chanson. Sarah H découvrait son nouvel album de cover. Il est terrible et franchement on adore. Sarah H sur la radio couleur, on pourrait, c'est sûr, Radio Francel en direct. Francky dans la radio. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ouais, vous réveille. Bah, j'ai envie de vous réveiller ce matin, en couleur en plus, avec l'horoscope qui démarre. Et on démarre avec les béliers, gais et décontractés, vous êtes plus disponibles pour votre partenaire. Les taureaux, vous passerez de très bons moments avec votre partenaire, pourtant votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas forcément avec les contraintes de la vie à deux. Les gémeaux, les relations avec votre partenaire seront agréables. Célibataire, votre charme sera efficace aujourd'hui. Les cancers, on vous sent tendu et décontrarié. Et contrarié, ça se dit pas. Contrarié, les cancers, aujourd'hui, vous garderez du ressentiment en vous. Et c'est pas bon pour le moral. Les lions, célibataires, vous serez assez tentés de vous engouffrer dans les méandres de la passion. Les vierges, aïe aïe aïe, les vierges, quoi que vous en pensiez, on ne peut pas forcer le destin. Et ouais, c'est ton destin. Tiens, j'ai regardé les inconnus hier, c'était plutôt marrant. Les balances, vous aurez tendance cette fois-ci à vous replier sur vous-même et cela n'est pas bon du tout. Les scorpions, attention les scorpions, les enfants ne seront ni faciles ni de bonne humeur aujourd'hui. Donc faites gaffe pendant les vacances quand même, hein. Surtout que c'est bientôt la fin. Les sagittaires, vous vous sentirez particulièrement à l'aise dans vos essences, dans vos échanges, ouais, j'ai un souffle sur la langue, dans vos échanges amoureux aujourd'hui. Les capricornes, vous trouverez toute l'affection que vous cherchez depuis des années. Ah, enfin. Les Verseaux, la vie à deux sera un oasis de tendresse ce matin. Et les poissons, douceur et tendresse seront au rendez-vous. Les cœurs à prendre pourraient bien trouver bonheur ce matin. Pourquoi pas, autour de la machine à café. Ça peut arriver, ça peut arriver. Moi je vous le dis, un peu de tendresse dans ce monde de brut, comme on dit. Voici la Kizomba. Y busco una salida para no irme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me? duele tanto el saber que ya no eres para mí. Ese lindo cuerpecito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Oh, oh, oh. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor. Mon cœur, ça veut dire mon colasson, mon cœur, mon amour. 7h54 minutes. Ah, j'ai bu trop tas de café déjà. Ah ouais, déjà je suis arrivé ici, tout avait planté là. Comme ça au moins, bon c'est bon, tout fonctionne. Si vous m'entendez, c'est tout fonctionne. Bon, d'être là, c'est Francky dans la radio avec le smile, le sourire dès le matin comme ça, histoire de vous retrouver de bonne humeur comme Sophie qui part au boulot ce matin. Ça y est, Francky, c'est la reprise aujourd'hui pour elle. Eh ouais, une semaine avant tout le monde. Eh ouais, Sophie, c'est ça. C'est ça que c'est bon. 7h55 minutes. Le meilleur des souvenirs. Avec Kevin Kinley, dis-moi oui en Marina. Je puisse me ranger, mon espoir se morcelle quand on pue l'étincelle. Aucun lien ne se sait, car je reste un étranger, jamais je n'aurais pensé. Hey, hey, un jour tomber amoureux, hey, hey, et la conséquence, hey, hey, ouais. Toi, ça peut me rendre heureux, ça peut faire exister, hey, hey, un peu de bloqué, hey, hey, me pousserait à persister, hey, hey, ouais. À nous imaginer tous les deux. Je ne me vois pas, oh Marina, oh Marina. Dès qu'elle est où, je ne peux m'empêcher de penser quand on toi et moi, oh Marina, oh Marina. Ce serait beau, oh non baby, dis-moi oui. Laisse-moi te séduire, te combler de plaisir, assouvir de désir. Jamais je n'en serai lassé. Tu ne fais que me fuir, mais je ne veux que t'offrir un bel avenir. Vous deux entrelacés, jamais je n'aurais pensé. Hey, hey, un jour tomber amoureux, hey, hey, et la conséquence, hey, hey, ouais. Toi, ça peut me rendre heureux, ça peut faire exister, hey, hey, un peu de bloquer, hey, hey. Imaginez tous les deux. Si tu ne me vois pas, oh Marina, oh Marina. Dès qu'elle roule, je ne peux m'empêcher de penser quand on voit et moi, oh Marina, oh Marina. Ce serait beau, oh non baby, dis-moi. Bah oui, c'est oui. Kevin, Kilvé, dis-moi oui en Marina. Heureux d'être avec vous. Salut Doudou qui est connecté du côté de Olivier. Bonne journée Francky, merci d'être là le matin. Bah oui, bah heureusement que je suis là. Bah dis donc, oh, tu veux que je sois où? C'est Francky dans la radio, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et puis du son caliente que vous adorez le matin. Rec, Miniego avec Holna et Wizin. Te busco en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo, y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. No puedo asimilar que ya tú no estás, sin ti nada es igual. Que por el mundo no hay otra similar. Que tú me hiciste que no te puedo olvidar. Oye, tú me quieres a tu manera. Mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera. Porque volvieras daría lo que fuera. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad. Duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar. No te alejes de mi vida. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo, y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. J'adore ça. En plus, vous gosse, le mec, quand même, hein. Rec, avec Minigo, avec Ozuna et toute la famille. On est en direct à la radio. Et ça me fait plaisir. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut. On vous réveille, puis ne ratez pas le bal anniversaire de la radio. C'est le samedi 6 novembre à 20h30 à l'espace de Montission à Saint-Jean-le-Blanc, sur scène Nelson Costa, la Ronda Minute, qui seront là aussi avec le groupe Enigma. Ne ratez pas le bal anniversaire de la radio. Je vous rappelle la date, le samedi 6 novembre, c'est à 20h30. Ça va être chaud, ça va être torride, moi je peux vous le dire. En tout cas, une belle soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel. Et demain matin, elle sera mon invitée en exclusivité. Elle a pris quelques minutes à nous consacrer dans les studios de la radio. Ce sera pas au téléphone. C'est Madame la maire de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais, sera mon invitée aux alentours de 8h15 en direct. Ne ratez pas ce bel interview. D'ailleurs, si vous avez des questions qui restent dans les règles, bien sûr, toutes questions un peu bizarroïdes seront vraiment supprimées. Hein, voilà, je suis pas là pour m'attraquer ou quoi que ce soit. On est là pour parler de cette belle ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, on est pas là pour faire de la polémique aujourd'hui, encore demain matin. Voilà, donc Carole Canette sera notre invitée demain matin à partir de 8h15, la maire de Fleury-les-Aubrais, dans les studios de la radio, une radio d'ailleurs qu'elle adore, qu'elle affectionne. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Coucou à Doudou, Doudou, mon Doudou préféré qui est connecté du côté d'Olivier et qui nous écoute tous les matins. Tony aussi qui est là. Salut mon Tony, j'espère que tu vas bien. Ah Tony, ça me fait plaisir de te revoir tous les matins. Tony qui est branché en permanence sur la radio Couleur. Francky dans la radio avec Zaz qui arrive. Et forcément, vous adorez. Ouais, Zaz sur la radio Couleur. Belle journée, bon réveil. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Ciel, on adore Zaz, si jamais j'oublie. Ouais, vous aussi vous adorez. Restez positif tous les jours, tous les matins au réveil pour vous sortir du lit jusqu'à 9h. On est en direct à la radio, ça me fait vraiment zizir de vous retrouver. Halloween s'est bien passé, ce que dit Annabella, moi sous la flotte aussi, bah ouais, déguisé en citrouille, bah voilà. Salut à Florent Amigo, quand j'ai toutes les émissions le matin, 8h07 avec la positive attitude, c'est Matt Houston. Et bientôt 10 ans pour ce titre, ça passe, ouais. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous nous appelez, bah les standardistes, c'est moi aujourd'hui. Allez, Matt Houston, et c'est le positif. Positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh, ma brother, ma sister, même si c'est pas étillé. Oh oh oh, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Up again, c'est le boy qui kill. Up again, deal, you get a sign on the wheel. Up again, deal, deal, the boy get killed. Up again, deal, deal, the copin di boy. Up again, deal, deal, c'est le boy qui kill. Up again, deal, deal, you get a sign on the wheel. Up again, deal, deal. Même si t'as pas beaucoup de money, yeah, t'as besoin de la jolie. Les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Reste positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Ma porte à ma sista, même si c'est pas étiré. Reste positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Pas d'indice de ne pas piller. Pour défler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir me tester? Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, t'as besoin de l'amour qui lui. Est-ce qu'on besoin de salami pour pouvoir exister? Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Reste positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Ma porte à ma sista, même si c'est pas easy. Reste positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas piller. Start like play play for France, we don't get throw away. So make una seriously. Die for my business, yeah. I make we they try to the rejoice, yeah. Why? Cause you know easy. Even if you don't get money, yeah. They jolly, they shake body. Cause the way you they fix, they complain. If you know the God way, yeah. That's when we be dead body, yeah. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it's no easy, yeah. Oh, oh, oh. For Peter and Paul, I'm a Christian, it's no easy, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, now for Paris today. Oh, oh, oh. If we could do a bad thing, yeah, make we the thank God, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ah, j'en ai passé des soirées avec Matthew Stone, hein. Quel super mec avec positif attitude. Le carton, il y a bientôt 10 ans, je vous le disais, hein, ça passe énormément. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Je suis là en tout cas jusqu'à 9h. Puis Jean-Pierre qui arrive juste après, hein, 9h jusqu'à midi, avec justement plein de choses à acheter peut-être ou à vendre. I'm love, et ça arrive. C'est Céline Dion, Renados, la del Coulin dans un calibou là, la Céline. Elle était pas mal à l'époque. Hein. Bon réveil. I'm alive.

Extrait de l'album Là où le vent me mène, Kevin Kinvey, Insomnie sur la radio couleur. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Bah oui, je vous réveille, et puis avec de la bonne humeur, et puis du son caliente, Elton John qu'on adore sur la radio couleur, avec un petit remix de Sacrifice par Dua Lipa, et vous adorez forcément le matin pour vous sortir du lit, vous emmener au boulot à 8h21 dans les bouchons peut-être, un petit peu de bouchons, ouais, un petit peu quand même. Elton John qui arrive, version 2021, et on adore Cold Heart, c'est sur votre radio. Bon réveil, belle journée. Cette reprise de Sacrifice, Elton John, Dua Lipa, le duo est plutôt bien réussi. Heureux d'être avec vous, Francky. 8h24, salut Jojo, connecté sur Orléans. Bonjour Francky, belle journée, bon réveil. Merci d'être là le matin avec cette bonne humeur, cette joie de vie. 34 ans, la Radio Arc-en-Ciel. Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Bah ouais, ça me fait plaisir de rejoindre la belle équipe de la Radio Arc-en-Ciel. Je vous rappelle le bal de la radio, c'est le samedi 6 novembre à l'espace Montition. À ne pas rater avec le groupe Enigma sur scène, Nelson Costa, la Ronda Minota. résultats. On sera tous là pour faire la fête avec vous. Radio Arc-en-Ciel, le bal anniversaire, c'est le samedi 6 novembre à Montission. Bah ouais, on est chez nous, à domicile. Voici, je sais même plus ce que je mets. Ah, Lento, par DJ Lux au portugais. Du son caliente pour vous réveiller. 8h25, belle journée et bon réveil. Santa Cruz avec Lento, DJ Lux de Portugal, Forza le Portugal. On adore ce DJ portugais qui franchement fait des bons mix, hein. On est heureux d'être avec vous. Et je vous rappelle que demain, madame la maire de Fleury-les-Aubrais sera dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Ça sera en direct, hein, dans nos studios. Carole Canette en direct, la maire de Fleury-les-Aubrais, la comédie musicale Je vais t'aimer de Sardou est en pleine tournée en France. Voici un petit extrait medley qu'on vous a préparé sur la radio. Jusqu'au bout des salles. Mexico. À faire tremper les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Quand j'entends. Bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson, la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel, et toutes les forêts du hiver. Terre brûlée, au vent, les larmes de guerre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre et la lumière, c'est le décor du Goémara. Mes chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Elle est plutôt bien réussie, cette comédie musicale de Michel Sardou, qui sont en pleine tournée sur toute la France. Un paradis, s'il y a pas près de chez vous, eh bien, allez voir, vous allez voir sur scène le meilleur de Michel Sardou par cette belle comédie musicale. Et puis, franchement, ils assurent les jeunes sur scène. Le son de la Réunion. Vous êtes peut-être de la Réunion. Là où il fait très beau en ce moment, hein. Pas comme chez nous, hein. De la pluie, malheureusement, aujourd'hui, avec pas mal de nuages. Le beau temps devrait revenir ce week-end à partir de vendredi. On est heureux de vous retrouver. C'est DJ Assad, Willy Williams. Ça, c'est mon zinc. Et DJ Alain Ramanisium, les tournées en 2012. Ça passe, ça passe. Bon réveil, belle journée. Et courage à vous si vous allez bosser ce matin, 8h33, en direct à la radio couleur. C'est Francky. Les tournées, ils me sont pas devant, oui, son grand derrière. Quel souvenir avec Willy William, DJ Assad, Alain Ramanissium, l'île de la Réunion est à l'honneur. Et puis ma radio, quand j'ai commencé la radio, c'était en 1986, j'avais 16 ans. Et le tube de l'été, d'après vous, c'était quoi? C'était quoi le tube de l'été il y a 16 ans? Eh bien, c'était Gérard Blanc avec une autre histoire sur la radio couleur. Écoutez, Gérard Blanc, le meilleur des souvenirs, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, on est en direct et ça me fait plaisir de retrouver ça. Pour toi, elle dit j'imagine des mots dans le l'été 86, vous aviez quel âge? Gérard Blanc, une autre histoire sur la radio couleur. Heureux d'être avec vous, c'est Francky. Jusqu'à 9h avec le meilleur des souvenirs. Bigali, Lucenzo qui arrive. Attention côté météo aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein, malheureusement, des nuages, de la pluie, des nuages, de la pluie. Ça va être alterné. Le soleil devrait revenir normalement, si je me trompe pas et si Météo France se trompe pas. Ça sera ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. 8h42 minutes en direct à la radio couleur. Ça c'est le truc que tu mets dans n'importe quelle soirée, hein, tout le monde danse, hein. Bah ouais, Lucenzo avec Bigali. Tiens, on prendra des nouvelles demain de Lucenzo. On appellera le manager Alexandre, qui est un bon pote. J'aime bien le réveiller le matin. Ouais, toujours la gueule dans le huc le mec. Hein. Demain matin, je vous promets, juste avant Carole Canette, on prendra des nouvelles de Lucenzo, voir si tout va bien dans sa vie, si il continue à tourner, s'il y a des projets. Bah ça serait bien de le savoir. Et j'adore cette fille, elle s'appelle Darina Victory. Laisse-moi t'aimer sur Radar en Ciel. Belle journée et courage à vous si vous allez au taf. Mon cœur, tu es toujours là pour moi. te trouver. Tant toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, on t'avait parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Non, m'a dit Gokate, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. C'est le titre que vous adorez sur Radio Couleur, hein, d'Anirina Victory avec Je vais t'aimer. On est là, c'est Francky dans la radio. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ouvré. Eh ouais, on vous réveille en couleur ce matin, s'il vous plaît, avec le son qu'il vous faut pour sortir du lit, peut-être encore en vacances, avec les Hurricane on Fire et Boogie, Boogie Wonderland. Belle journée, sous la pluie, sous les nuages, mais on est là pour vous donner le smile et le sourire. C'est ce que ça veut dire en anglais. Allez, Hurricane on Fire. y a M. Lorenzo qui vient d'arriver. Belle casquette sous la pluie aujourd'hui, on vous l'a dit, avec la bonne humeur de Radio Arc-en-Ciel, puis le son du Portugal qui arrive. Ah ouais, ça va vous changer un petit peu, hein. En tout cas, on est heureux d'être là. Moi, je serai là demain matin. Je vous rappelle, demain matin, exclusivité radio, 8h15, la maire de Fleury-les-Aubrais sera notre invitée. Un rendez-vous à ne pas rappeler. La maire de Fleury-les-Aubrais dans les studios de la radio. Voilà, on sera en direct à 8h15. 8h15 avec elle. Et ouais, une fois. Des fois, je suis belge comme ça le matin. Hein. Monsieur Laurence qui arrive et moi, je vous retrouve demain matin, 7h-9h. Et ne ratez pas ce beau rendez-vous. Madame Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais dans les studios de la radio. Voici Daddy Yankee et je vous retrouve demain. Salut la famille. coração. Eu já não sei se és real ou ilusão, se estou são ou estou demente. Se olho para o sol, na sua luz eu vejo o teu olhar, e as tuas ondas nas ondas do mar. Mesmo sem estar, estás presente. Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti, e eu em tudo que faço ou digo, que sonho ou que vivo, tu estás sempre em mim. Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a sentir-te aqui, pois em tudo que faço ou anos da empresa. Como é que se faz convite?